Il y a des fois où c'était dingue dans le quartier. On savait jamais ce qui pouvait arriver, ni quand. J'en avais trop fait pour faire machine arrière. Et j'en avais trop fait pour continuer comme ça. Faut croire que les événements gagnent toujours le pas sur vous. Ça fait un pour les faire en haut qui sont partis de rien. Traîne à deux, on vend de la beuh, mon poteau, on est tout terrain. On crie au tronc, on tourne en ville, on fait nos missions. À ceux qui cardiaque ton 4-4 devant ton fils. Mais la cinquième monte en 6 pour remplir l'assiette. Tout petit, on se fera quand il faut passer la douane. On lève le doigt du milieu quand y'a émeute tout pour fils. C'est ta poucaf comme 6-9, faut pas sortir en coursive. Bref, j'suis trop zèf, j'devais être 10 comme Zizou. J'ai fini gazé dans la loque, on m'a dit c'est rien, c'est le jeu. Faut toujours dire hamdoulilah, même quand y'a rien, y'a pas de chou. Mais faut pas faire les yeux doux pour qu'on t'avance un zeu doux. Dans le bise, on la fait toujours à la bien comme dans le 13. On met de la selle à au 14, comme ça c'est sûr, c'est nos 13. J'ai commencé à 15 piges, des gros pétards jusqu'au kill. J'écoutais L.I.M. à fond, j'voulais juste niquer ma hip. J'suis pété au volant du SDR. Ça fait zizir, loin de la GZR. Contrôle de police, on accélère. Allez, si c'est la vraie vie, reste dans la VR. Elles veulent tout voir, c'est quoi les rats. Faire des stories, avoir des carrières. Mais dis-moi qui pourra esquiver les bastos ou bien les caméras. Ça sera 16, le nombre de balles que tu vas prendre dans le corps, c'est la folie. Comme insulter Maradona dans la ville de Napoli. Comme composer le 17, tomber au Hebs à 18. Prendre une EP à deux chiffres, pas un poteau qui t'épaule. Maintenant c'est toute la France qui porte le 19 BNZ. Va sur 20, c'est pas des barrettes, c'est les rouleaux partis. 21 ans, je fous des coches, criais 22 sont partis. Au pire, si restait là, bah c'était parpaing sur le pare-brise. 23 années sur terre, et déjà 23 tiges. Tais-toi si t'as su le faire, comme on dit pas vu, pas appris. 24 années du père, chaque erreur elle a son prix. 25 ans, j'étais dans le trou, à 26, j'ai compris. Dans la VR, elles veulent tout voir, c'est quoi les rats. Faire des stories avant des carrières. Mais dis-moi qui pourra esquiver les bastos ou bien les caméras. Un jour, mon grand-père m'a demandé si je tenais à vivre.